Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, c'est Lost in Space sur les ondes du 100 FM. Et cette semaine, ça sera quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins expérimental et violent que d'habitude. On va changer radicalement de style, c'est-à-dire qu'on va faire une petite session pop, limite dream pop, un peu éthéré, pop à guitare, pop, en tout cas de la pop. Donc c'est vrai qu'on n'a pas spécialement l'habitude d'en écouter beaucoup, mais de temps en temps, ça peut changer, ça peut pas faire de mal. Le fil rouge, et parce qu'il y a forcément une raison à ça, vous allez me dire pourquoi écouter de la pop, c'est je suis retombé sur l'album des locaux de Boreal Wood et je me suis dit que ça pouvait être sympa de piocher un peu dans la discothèque et d'aller mettre des choses qui pourraient accompagner le style. Donc on est parti pour un dimanche soir beaucoup plus calme que les précédents et en espérant que vous appréciez le voyage. We'll be right back. farewell to the night. Farewell, my family. Forgive me this flight. I did my husband's love. If him was gone, lost the good times for me and our son. When I needed bread, life gave me stones. That fairy tale giant made bread from my bones. Hard our communion, a stone for a host. My son, you're so special, so different from most. But most take against the different as strange. With names, if not stones, they take their revenge. But we're turning to air. Stone can touch. You made my life, son. I love you so much. And she stepped from the bridge with a child in her arms to join with the earth. No providence harms. And wind from the wheat fields blows through Bridge Hill. And the last light of evening falls on Black Hill. And it falls on High Westwood and Hamsterly Mill and Newlands and Allensford and over Swalville. It falls still on Concert, Ledgate and Delves. This song is over. Look after yourself. Thank you. Benjamin Boudou, chercheur en théorie politique au Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, analyse dans cet ouvrage ce qu'il nomme le dilemme des frontières. Il désigne par là la tension interne à nos démocraties libérales, prise entre les principes qu'elles valorisent et les pratiques politiques qu'elles adoptent. D'un côté, les démocraties libérales défendent des principes de liberté et d'égalité. Dans un monde démocratique idéal, chaque individu serait libre d'aller et venir où bon lui semble. D'un autre côté, les démocraties libérales mènent des politiques contraires à ces principes. Dans le monde actuel, les États démocratiques imposent un contrôle strict de la liberté de mouvement. Tout le monde ne peut pas entrer si facilement à l'intérieur des frontières des pays démocratiques. Et l'égalité n'est garantie que pour une petite partie de la population, les citoyens. Cette tension entre principes et pratiques a des conséquences dramatiques. Des milliers de morts aux portes des pays démocratiques et la violation des droits de l'homme. La question de Benjamin Boudou est la suivante. Comment un État peut-il justifier des actions aux conséquences délétères ? Le pouvoir d'un État est-il légitime s'il entre en contradiction avec les principes qu'il défend ? Thank you.

ici le centenaire du soulèvement de Pâques 1916. Rébellion avortée mais néanmoins emblématique de la lutte pour l'indépendance à laquelle l'Irlande allait accéder 5 ans plus tard, fut commémoré en grande pompe en 2016. Un autre anniversaire passa lui beaucoup plus inaperçu. C'est pourtant le 25 septembre 1996, il n'y a guère plus de 20 ans, que la dernière Magdalen Laundry irlandaise a fermé ses portes. Ces institutions, rendues tristement célèbres grâce au succès international du film de Peter Mullan, Les Magdalen Sisters, sorti en 2003, font désormais partie de la mémoire collective de l'Irlande. Mais de quelle mémoire s'agit-il? Et de quelle Irlande parle-t-on? Really hard. Les articles de journaux indiquent en effet une première signification sociale de la rumeur. Le donateur figure cette nouvelle élite enrichie par les réformes néolibérales du président Wade, que les Sénégalais appellent les alternosseurs, pour tourner en dérision les rêves de l'alternance démocratique après les régimes socialistes de Senghor et Diouf. Tandis que le donataire représente les populations les plus défavorisées d'Afrique de l'Ouest, se massant dans les grandes villes pour y trouver des ressources et recourant parfois à la mendicité. acoustic. Don't make a problem where there is not one. Don't pour your poison into our sea. Don't put that building where it blocks out the sun. Don't build your brick wall in front of me. All I've wanted was the chance to live and breathe. So let it happen. Let it. Just Don't you explain, don't even try. Do you think that it makes me feel better now that I know why? Just shut your mouth and I'll shut mine. But I've got no shame, I'll call your name when I can't sleep at night. And I can't sleep, Jesus, it's starting to get to me. I call your name and it rolls and rumbles round my brain. And I can't sleep in case I dream your name. Feel better to know the hows and whys. Just shut your mouth and drop your eyes and pretend the words that hurt me aren't yours, like you did last time. And I can't sleep, Jesus, it's starting to get to me. I call your sont les gestionnaires de fortune, les wealth managers. En quoi consiste leur métier? À l'heure de l'accroissement des inégalités dans le monde, Brooke Harrington, professeur de sociologie économique à la Copenhagen Business School, s'intéresse à ces acteurs clés du système de gestion, d'accumulation et de circulation du capital. Thank you. Encore ces bristoles qui pleurent. Arrivé en France clandestinement en septembre 2015, Abdallah Alouche avait pourtant réussi à se faire une place grâce à son travail. Lycéen en CAP carreleur mosaïste, il a vu sa prise en charge par le département de la Seine-et-Marne brutalement interrompue quelques mois avant d'être diplômé. La justice a sommé le conseil départemental de reprendre la prise en charge, mais a toujours refusé. Expulsé de son foyer, en grande souffrance, il a été retrouvé poignardé dans un squat où il avait trouvé refuge. Thank you. coureurs de sang, de boue et de sueur. Et quand je mourrai, j'irai au paradis, parce que c'est dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. C'est dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Rachida, non, je n'ai pas participé à la marche pour l'égalité, j'ai enregistré à l'époque. J'ai joué à la fin, j'ai participé au concert à Paris avec mon groupe Carte de Séjour. C'était l'époque des rodéos à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai voulu organiser un festival Place Bellecour à Lyon. On nous a bien évidemment refusé l'autorisation. Le festival a donc eu lieu au parc Elsa Triolet à Vaux-en-Velin. À l'affiche, 4 groupes, Made in France, Corazon Rebelde, un groupe de rock chilien, Carte de Séjour et Single Track. C'est comme ça que tout a commencé. Avec Jida Tazdaït, j'ai participé à la création de l'association et du journal Zahama de banlieue. Un fanzine de 4 pages dans lequel je m'occupais un peu de la rubrique culturelle. C'est aussi à ce moment-là que j'ai monté une boîte de nuit. À l'époque, à Lyon, comme partout ailleurs, l'entrée des boîtes de nuit était fermée aux Noirs et aux Arabes. J'ai donc créé cette boîte que j'ai appelée le refoulé. C'est ma matière de refuser le statut de victime, de choisir l'arme de l'humour. Il fallait trouver des réponses, des chemins de traverse. Finalement, le racisme nous poussait à aiguiser notre créativité. C'est d'ailleurs toujours le cas. Thank you. to get a sense of utterless shame. One must have felt insane to understand this game. I never looked away. You must have had a difficult week. I always took the blame. As a stillborn child, am I blue? Les 23 et 24 février 2018, à l'université de Rice, à Houston, au Texas, s'est tenu le tout premier colloque international consacré à l'histoire de la médecine dans le contexte de l'esclavage dans les Amériques. Le colloque rassemblait aussi bien des historiens et des américanistes travaillant principalement sur une période allant de l'ère esclavagiste, 18e et 19e siècle, jusqu'au début du 20e, que des acteurs de la société civile et membres d'organisations de défense des droits civiques, s'intéressant particulièrement aux liens que ces recherches historiques peuvent présenter avec les luttes contre les discriminations raciales dans le domaine de la santé aujourd'hui aux États-Unis. Yeah. remember knowing who I am. Maybe it'll be alright, but I've got to leave it here. I've got to leave you here. I know I gave no reasons, and nothing here is clear. But what it is I'm feeling, oh, it's giving me the fear. I've got to head away. I've got to get away. That I was leaving as those shadows fall, the midnight train. The time, you know, I leave you running, I just don't fit the world. This is something that I've tried, but it just don't work. Is there some other way? Or is there another way? Explain a reason, I just don't feel alright. I know I've tried to smile and wave, but I've got no fight left in me, babe. No, not in me, babe. It's time that I was leaving as those shadows fall, the midnight train. The midnight train. Just hurried down the hall. There's no other way. There's no other way. It's time that I was leaving as those shadows fall. The midnight train. It's time that I was leaving as that whistle blows. Midnight train.

firing. Separate, discoordinated ambition. You're shattering fragile action. Turning about a face. Speak emotions and some hearts left ravaged. Ravaged and chased. Whatever will be, will be.